Mes voisins sont de bons voisins. Ils ne font pas de bruit la nuit parce qu'ils se lèvent tôt tous les jours. Leur porte est toujours ouverte. C'est très bien organisé chez mes voisins. Ils sont jamais en manque de sucre ou de sel. Ils aiment bien me rapporter des produits du jardin. Et ils sont toujours de bonne humeur. C'est normal qu'il y ait toujours du monde chez eux. Et si je fais la fête, ils sont toujours là pour m'aider. Je partirai pas en vacances avec mes voisins, mais je suis content qu'ils soient là.